situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro et en ma compagnie, Chantienne La France. Bonsoir, ben bonjour. Oui, bonjour, bonjour Myriam, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Ce soir à l'émission, on a un beau programme assez varié. En première partie, on a Delphine Eguesbar, qui est notre chroniqueuse de la semaine, qui nous fait un compte-rendu détaillé, bien sûr, et tout en profondeur, fidèle à son habitude, de l'exposition Vase communicant Vivant Binet à la Galerie Michel Guimond, que vous pouvez aller voir jusqu'à ce dimanche. Donc, c'est un beau petit teaser de cette exposition-là. Une très, très belle exposition là, qui nous fait voir différents paysages du Québec de manière assez saugrenue. Gentilliane, toi, tu nous as préparé une entrevue qu'on va aussi écouter en première partie d'émission. Tout à fait. Je suis allée rencontrer Vincent Hinz, qui est le chargé de projet pour le projet Pour toujours mardi, qui est orchestré par Folliculture, donc une programmation d'automne tout à fait adapté aux circonstances sanitaires, donc des événements en ligne, des événements, des expositions en vitrine, des événements qui font appel aussi à la population. Donc, vous pourrez en savoir plus là, dans cette conversation que j'ai eue avec avec Vincent Hinz à Folliculture. Et toi, Myriam, tu as eu une belle conversation avec Laurence Gravel et Sylvia Pellissier. C'est la deuxième exposition d'Alice de vos empires. Oui, ben c'est leur deuxième exposition indépendante sur le site web d'Alice de vos empires. Il y en avait eu une première avec Galerie A, donc c'est exposition vrai. Web, bien sûr. C'est l'exposition Les liaisons dangereuses de Laurence Gravel, qui est très intéressante. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la parcourir sur leur site web. Puis on peut y revenir parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Laurence, qui fait beaucoup de performances, fait un genre de performance audio, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup de ramifications à cette exposition-là. Donc oui, comme tu dis, je me suis entretenue avec elle et Sylvia Pellissier d'Alice de vos empires. Puis c'est ce qu'on va écouter en deuxième partie d'émission. Et tu t'es occupée de faire la sélection musicale pour cette semaine, Myriam Leland. Tu ben oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Anacnide. Oui, c'est ça. C'est ben ce soir on vous fait écouter un album qui est sorti en février 2020. Je l'ai découvert moi en fouillant dans les playlists Spotify de nouveautés de la semaine. Puis c'est une collaboration avec plusieurs artistes. Qui s'appelle Vent du Nord. Malheureusement, on ne peut pas la faire écouter ce soir. Je ne l'ai pas trouvée en format numérique aussi rapidement, mais je vous suggère vraiment d'aller l'écouter. Mais ce soir, on écoute son album Dreamweaver. Anacnide, en fait, c'est une artiste d'origine Ojibwe et Mi'kmaq qui est née à Ottawa. Puis elle habite maintenant à Montréal. Son animal totem est l'araignée, d'où son nom d'artiste. C'est vraiment excellent. J'ai eu un gros coup de cœur. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait absolument que je fasse découvrir ça. Donc là, on se laisse pour la chanson, la première de la soirée, La Lune. Et au retour, on écoute la chronique de Delphine Gilbert. You got the best of me. Trapped in your lies and your disguise. Stop it, don't waste my time. Set me free. Release me. Stop playing games. Bienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland, toujours au micro. Et avec moi, en Zoom, j'ai Delphine Eguesbar. Bonsoir, Delphine. Salut, Myriam. Je dis bonsoir par habitude parce que, bon, on est en Zoom, on est le midi, il fait très beau aujourd'hui. Delphine, on t'a avec nous ce soir avec plaisir, comme d'habitude, parce que tu es allée visiter l'exposition « Vase communicant » de l'artiste Yvan Binet à la galerie Michel Guimont, et tu avais envie de nous en parler ce soir. Oui, puis ça tombe très bien parce qu'en fait, il reste quelques jours pour aller voir l'exposition, fait que vraiment, elle se termine le 15 novembre, donc ce dimanche. Donc, c'est vraiment un bon moment pour une des dernières occasions pour voir l'exposition avec toutes ces œuvres-là rassemblées en un seul lieu. L'exposition Vase communicant qui est présentée à la galerie, elle comprend 8 collage photographique. On connaît déjà Yvan Binet très bien pour sa pratique photographique, mais peut-être un peu moins fréquemment pour ce travail-là de collage. Mm-hmm. Donc, c'est des ensembles qui sont réalisés à partir d'images qu'il a captées aux abords du Saint-Laurent ou dans différents parcs nationaux du Québec. Il y a des scènes hivernales, des scènes plutôt estivales aussi qui se côtoient dans l'exposition. Et on trouve comme élément récurrent dans ces images-là, des paysages qui montrent l'horizon, souvent la silhouette d'une ou plusieurs montagnes, des plans d'eau, des plages. Et différentes photographies se trouvent à être assemblées par un traitement numérique. Et finalement, différents fragments de paysages viennent à se fondre l'un dans l'autre. On a des fragments de paysages qui sont inversés, qui subissent des rotations. Il y a aussi des changements d'échelle aussi, on devine de certaines de certains de ces fragments d'images-là. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas eu la chance encore d'aller voir l'exposition, mais le site web de la galerie Michel Guimont est très bien fait pour ça. On peut voir les œuvres qui sont exposées pour nous donner un petit avant-goût. Puis tu dis que dans le fond, c'est différentes photos qui sont assemblées ensemble, donc c'est pas juste un montage à la même image. Je sais pas si tu comprends. Oui, ben non, effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on y puise dans différentes sources d'images, notamment parce que certains de ces montages-là qu'on sent qu'il y a plusieurs saisons qui cohabitent. Je pense à deux ensembles panoramiques qui sont très, très longs, où on voit des éléments de plage, on voit des éléments glacés, des plages où il y a une foule d'oiseaux, des centaines et des centaines d'oiseaux. Puis dans ces deux collages photographiques-là, on est vraiment dans un format panoramique très, très long, comme je le disais, où finalement, on a comme des strates de paysages qui se succèdent dans une même image. Puis ici, j'ai vraiment l'impression que ça répondrait à notre question. Là, je pense qu'il y a vraiment des sources variées d'images, mais qui sont très cohérentes en termes de luminosité, de couleur. Donc, oui, il y a vraiment... Oui, c'est ça. Ben, l'œuvre dont tu parles, je pense que c'est baie, comme une baie. puis c'est vrai que cette cohérence-là, on a vraiment l'impression de voir défiler le jour, l'année, avec les saisons. C'est vraiment... puis en effet, comme tu dis, ils semblent vraiment avoir plusieurs saisons, plusieurs images différentes là, collées dans la même œuvre. Mais une grande harmonie de lumière, de couleur, ces deux paysages-là, entre autres, ils sont beaucoup dans la blancheur, dans quelque chose de très, très lumineux, alors que les autres photographies de cet ensemble-là qu'on retrouve dans Vase communicant, c'est beaucoup des paysages forestiers, puis aussi avec souvent des plans d'eau, puis des plans d'eau qui sont extrêmement calmes. Donc, on se trouve à voir souvent au sein d'une même image un jeu entre un sujet puis sa réflexion dans l'eau, ce qui vient démultiplier les formes. L'eau se fond dans le ciel qui se fond dans l'eau. Puis on a tout à coup une répétition de ces formes-là de montagnes qui, quand elles sont doublées puis elles sont renversées sur le côté, quand elles subissent une rotation, on se retrouve avec justement ces formes-là de vases, si on peut dire, qui donnent, je pense, c'est leur titre à l'exposition. C'est une forme qui se retrouve dans plusieurs des compositions qui ont été créées par Yvan Binet, qui vient créer une sorte de... Comme une presque coupe, une île, un oui, comme une coupe, mais aussi presque une île flottante, presque une masse rocheuse qui flotte dans l'espace. Ça crée des compositions qui ont quelque chose d'un peu surréel. Là. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment, on sent l'ancrage dans le réel, dans la photographie, mais il y a aussi une sorte de distorsion, d'effet de loupe, des fois un effet de portail apparaît. On est comme pas sûr si cette île-là flotte dans l'eau ou dans le ciel ou les deux à la fois. C'est vrai qu'il y a vraiment un aspect très surréaliste à tout ça. Quand on passe la première étape de reconnaissance, ah, ben oui, c'est un paysage forestier, il y a de l'eau, mais une fois qu'on commence à regarder tout ça, c'est vrai qu'on voit tous ces éléments-là. Puis on est vraiment, c'est ça, dans ce travail-là de l'assemblage, là. Puis à ce moment-là, c'est particulier quand on regarde, je trouve, les compositions qu'Yvan Binet présente dans cette exposition-là, parce que la photographie a quelque chose qui peut apparaître plus immatériel, plus loin du travail de la main à certains égards. Puis dans ce cas-ci, on se retrouve avec quelque chose qui est plus proche de la manipulation, de l'assemblage. Puis j'ai trouvé très, très intéressant dans l'exposition sur place, peut-être une expérience à laquelle on n'a pas accès quand on regarde simplement les images, c'est qu'il y a une œuvre, un des petits paysages miniatures d'Olivier Roberge. Ah! Qui est aussi placé dans l'espace de la galerie Michel Guimond. Puis quand je l'ai aperçu, j'ai trouvé que ça l'a fait apparaître, ou ça l'a mis des mots, en fait, sur une sensation que j'avais quand je regardais les collages photographiques d'Yvan Binet. Il y a ce rapport au fabriqué, au très proche, au minuscule, puis au très grand aussi, avec les montagnes, ces grands paysages, l'horizon. Puis avec une des sculptures de paysages d'Olivier Robert, on sait, il y a un travail qui est proche de la maquette ou qui est comme un peu qui se rapproche de cet univers-là, de fabriquer des paysages en très petit format où il y a de la narration qui se déploie aussi. Puis où il faut s'approcher de très près, en fait, pour pouvoir saisir chacun de ces détails-là. Donc, il y avait un dialogue très, très pertinent, je trouvais, qui se déployait là, grâce à la présence de cette sculpture-là d'Olivier Roberge, mis en relation avec les paysages. Les paysages assemblés d'Yvan Binet, où finalement on a aussi cette multiplication de points de vue et de détails, de perspectives et d'angles qui se conjuguent au sein d'une même image. Mais c'est vrai que ce rapport d'échelle-là aussi, puis l'aspect vraiment composition de l'image, construction, manipulation, comme tu le mentionnais, qui nous sépare un peu de cet aspect-là plus froid de la photographie ou plus machinal, si on peut dire ça comme ça. Où il y a comme, des fois par la photographie, il y a une sorte de mise à distance des choses qui magnifient aussi les sujets. Donc, oui. C'est fait qu'on est comme dans cette un peu dans cette tension-là avec cette exposition-là d'Yvan Binet. Puis je m'en voudrais de pas mentionner, peut-être en terminant, la série Vases et montagnes que certains ont peut-être déjà vu d'Yvan Binet, qui est une série en noir et blanc où il y a une parenté visuelle là, déjà qui était présente dans cette série-là, où on travaillait de manière peut-être un peu plus systématique avec cette réflexion-là d'une montagne et de son reflet. Puis c'était très contrasté, cette série-là, en noir et blanc. Fait qu'on avait vraiment les montagnes puis leur reflet qui devenaient presque un objet au centre de la composition. Puis à ce moment-là, l'eau... Une genre de silhouette. Oui, c'est ça. Puis l'eau, le ciel était beaucoup plus lumineux, presque blanc, presque immatériel. Fait qu'on avait vraiment ce jeu de tension-là. Alors, j'invite les gens peut-être à aller voir l'exposition d'Yvan Binet d'ici le 15 novembre, mais peut-être à aller aussi regarder sur le web cette série-là précédente pour un peu bonifier peut-être la réflexion ou la lecture de cette plus récente série d'Yvan Binet. Bien, merci beaucoup, Delphine, pour ce compte-rendu détaillé là de cette exposition-là. Donc, comme tu l'as mentionné, c'est disponible à la Galerie Michel Guimond jusqu'au 15 novembre. Les heures d'ouverture de la galerie sont du jeudi au dimanche de midi à 17h. Donc, pour pas vous cogner le nez sur une porte fermée. Donc, merci encore une fois. On se laisse pour une pause audio avec la piste China Doll. Et au retour de cette pause, c'est Gentiane qui nous a préparé une entrevue avec Vincent Hinz de Folliculture. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale. Gentiane La France avec vous au micro et j'ai avec moi Vincent Hinz. Allô. Vincent Hinz, tu es chargé de projet pour toute la programmation d'automne de Folliculture, une programmation très spécifique qui s'appelle Pour toujours mardi. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement quelle est cette programmation spéciale là? Oui, ben c'est ça. Pour toujours mardi, bon, évidemment, ça vient au point de au départ. Pour toujours mardi, ça part du contexte évidemment dans lequel on est, le contexte de la COVID. On le sait, c'est pas évident pour les organismes culturels de tenir une programmation et tout ça. Comme bien des organismes, Folliculture a dû s'adapter le printemps dernier. Donc cette fois-ci pour l'automne, on s'est dit bon, essayons de prévenir d'avance puis de prévoir une programmation qui va être peut-être plus en mesure de s'adapter aux différentes choses qui risquent de survenir, puis aussi d'essayer de trouver une réponse à comment on fait pour continuer à soutenir les artistes dans ce contexte-là, puis à remplir nos mandats. Donc, c'est là que Pour toujours mardi est apparu. Donc, la programmation, ça, en fait, c'est une programmation faite de six micro-résidences. Oui, des pico-résidences. Oh, pico-résidences, oui, c'est ça, selon les allégeances. Ouais, fait que, donc, c'est ça, des petites résidences de 2 semaines. Avec 6 artistes différents. Donc ça s'échelonne de septembre jusqu'à décembre. Puis... Et le fait que c'est en ligne, principalement, les activités, ça permet aussi d'avoir des artistes d'un peu partout dans le monde. Exactement. Là. Il n'y a pas seulement que des artistes du Québec. Exactement, c'est ça. On a, exactement, c'est en plein ça. On a donc en tout, sur les 6 artistes, il y en a 4 qui sont domiciliés au Québec, puis il y en a 2 autres qui sont en Europe. Donc on a Hugh Cellito qui est basé à Londres, et aussi Patrick Demazo, de son petit nom Mad, qui lui est basé en France. Mm-hmm. Donc c'est ça, sinon les 4 autres sont au Québec. Puis... Donc des résidences qui commencent toujours le mardi. Exact. Et qui finissent le mardi. Et qui finissent le mardi. C'est ça. On s'est dit, en ces temps particuliers où tous les jours se ressemblent par moment, c'est quoi la journée la plus neutre de la semaine, la journée qui est le plus sans histoire? Il n'y a pas de paye le mardi, il n'y a pas de congé, il n'y a pas rien de précis. Pour toujours mardi. Donc, chaque journée est un mardi, chaque journée est un éternel mardi. Et donc, le cycle de résidence a commencé en septembre avec Hugo Nadeau. Oui. Qui a initié là une espèce de personnage autour de Mathieu Bock côté, donc un personnage qui s'appelle Mathieu Bock de l'autre côté. Exactement, oui. Et il a fait un appel à la population là pour participer à ce projet-là. C'est ça. Et puis il y a quand même plusieurs des artistes en résidence qui font ça, qui font appel à la population pour participer. Oui, c'est ça. Il y a Hugo qui le fait dans son appel de texte pour Mathieu Bock de l'autre côté, qui a été un grand succès. Je pense qu'il a reçu au-dessus d'une vingtaine de textes. Des textes, ça va d'un petit texte pamphlétaire de 50 mots à un grand essai de 3000 mots. D'ailleurs, ils les publient tous. Je fais la petite plug là. Les publient tous sur le site lemiroir.ca. Nous, via le site de Folliculture, via le Facebook de Folliculture, on relaie à chaque fois qu'ils publient. On relaie finalement la publication. Il en publie à raison de 1 à 3 par semaine. C'est ongoing en ce moment. Ça va être là jusqu'à la fin de l'automne, peut-être même plus, selon. Mm-hmm. Je sais pas s'il va réussir à passer à travers tout ce qu'il a reçu. Puis je sais qu'il tente aussi d'en publier dans des médias écrits. Ça c'est Hugo donc qui a fait un appel à la population, mais sinon il y en a eu d'autres. Il y a Hugh Cellito qui est en ce moment en cours avec 13 participants. C'est ça. Dans son cas, c'est un projet quand même assez prenant pour les participants. Le titre de son projet, c'est Explorations in Revolutionary Investigative Monsterhood. Donc, exploration de la monstrerie investigatrice révolutionnaire. Puis, il invite les participants à personnifier des monstres. C'est ça, à personnifier des monstres de toutes sortes de manières. Il arrive avec une définition très étudiée du monstre à différentes époques aussi, dans qu'est-ce que ça a pu être. Même on disait à une certaine époque, les femmes, pendant qu'elles ont leurs règles, c'est pratiquement des monstres, elles sont mises à l'écart, il faut pas que ça soit montré. Bon, il a fait quand même une recherche très, très exhaustive sur tout ce qu'on peut entendre par la notion de monstre. Puis aujourd'hui, ce qu'il cherche à faire là-dedans, c'est un peu en disant, ben le monstre en soi, c'est à quelque part tout ce qui nous différencie, tout ce qui nous place dans la marge, tout ce qui fait de nous des êtres hors normes ou inclassables. C'est très folliculturien. C'est très folliculturien. Exactement. Donc, c'est un peu l'invitation qu'il fait aux participants. On a une trazaine de participants là qui sont une base volontaire. Et c'est au Québec ou c'est partout? Parce que lui, il est basé à Londres. Lui, il est basé à Londres. Les participants que nous, on a recrutés sont tous basés au Québec. Maintenant, à l'origine, si ça n'avait pas été de la COVID, Hugh aurait été ici avec nous. Mm-hmm. Ça aurait été une résidence pendant 2 semaines où il travaille conjointement, un peu une espèce de workshop de monstres pendant 2 semaines. Là, dans le contexte qui est là, ben évidemment, on ne pouvait pas le faire venir. Donc, il est resté à Londres. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi lancé le projet de son côté à Londres, de sorte qu'en ce moment, le projet, il se passe à Québec avec des artistes au Québec, mais il se passe aussi à Londres avec des artistes qui sont en Europe. Donc c'est ça, fait que les participants finalement se trouvent à faire émerger le monstre qui sommeille en eux de toutes sortes de manières. Et c'est des performances qui se passent dans l'espace public, qui se passent de manière individuelle? Ou dans le contexte actuel, vu qu'on peut pas faire de rassemblement, fait que ça se passe d'une manière individuelle. Ce qu'on a... il y a eu beaucoup de moutures de ce projet-là, il a fallu s'adapter, pas mal. ce que finit par sortir de ça, c'est que en ce moment, les participants le font chacun de leur côté. Ils finalement font différentes actions qu'ils documentent en vidéo, même par écrit pour certains ou à l'audio. Puis, dans une espèce de groupe entre eux, se partagent finalement ces choses-là pour permettre aussi des interactions entre une action puis une autre, qu'un participant peut décider « Ah, ça, j'aime bien ce que l'autre a fait, ça me fait penser à telle affaire, ok, pouf, fait une action par-dessus ça. » Puis, nous, dans le courant des prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser tout ça via le site web de Folliculture. Mm-hmm. Donc, en ce moment, en fait, je suis peut-être un tout court sur la programmation en général, c'est vraiment via le site web de Folliculture, les réseaux sociaux du centre, Instagram, Facebook, qu'on peut voir toutes ces choses-là qui se déroulent en live, finalement. Même, Jules Louméran, lui, lui a utilisé la plateforme Twitch pour diffuser ses performances. Exactement, c'est ça. Donc, c'est multiplateforme aussi. C'est ça, c'est multiplateforme. Puis, dans le cas de Jules, Facebook, Folliculture n'avait pas en soi un compte Twitch. Alors c'est sûr que même chose pour Hugo avec le miroir, on n'a pas commencé à dédoubler dans les cas comme ça, on relaie finalement ce que l'artiste a lui-même mis sur une autre plateforme. Et on a eu le plaisir de voir une expo de Elie Dell qui était proposée dans la vitrine de Pêche Sherpa. Exactement. Oui. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose de réel. Là. Ça se passait pas seulement dans le virtuel. Là. Exactement. Oui, ça faisait... je t'avoue que ça fait du bien. Hein? On est content d'avoir des expositions. ça, c'était intéressant parce que Ellie, c'est une artiste, c'est d'abord une performeuse. Mm-hmm. C'est sa première production matérielle, on va dire, qu'elle présente dans un contexte d'exposition. Donc c'est des œuvres de peinture, de dessin sur toutes sortes de médiums. Elle travaille finalement avec elle travaille beaucoup avec des matériaux qu'elle trouve. Oui, du carton. Du carton ou des tissus même que. Toutes sortes de méthodes, en fait, pour que les rendre, dans un format de médium. Elle travaille des fois avec des tissus trouvés, des retailles qu'elle vient peindre dessus, mais ensuite les enduire de plusieurs couches de vernis à plancher. Puis, ça devient une espèce de support un peu rigide qui est moyen d'accrocher. Et le texte est présent dans toutes les œuvres qu'elle a présentées. Oui. Et il y a des principalement en anglais, il y a des textes qui viennent d'elle, mais aussi des extraits aussi qui viennent d'ailleurs. Donc il y a quelque chose de très fragmentaire dans sa façon d'aborder le texte. Oui, oui, oh, oui, c'est ça, très fragmentaire. Puis ensuite, dans sa mise en espace, on est dans une accumulation, pour moi, assez juste, en fait, assez impressionnante, mais juste aussi. Tu sais, y a quelque chose qui se dégage de l'ensemble, puis... Autant individuellement, plusieurs de ses œuvres ont une force vraiment qui est très intéressante, mais je trouve qu'il y a vraiment aussi parce que c'est dans une mise en espace justement qui est hors norme, qui est pas dans des... On est loin des standards muséales, là, on peut facilement dire ça. Là. Mais il y avait une adéquation aussi avec le lieu de présentation, les vitrines de pêche Sherpa, c'est des lieux qui sont hybrides aussi, qui sont pas nécessairement destinés à montrer des œuvres d'art. Exact, ouais. C'est ça. Ben oui, puis ça fait partie même du mandat de pêche. Puis, ouais. En fait, il y a beaucoup d'affinités entre le mandat de pêche et celui de folliculture, évidemment. Puis, le travail d'Élie, je pense qu'il était dans son parfait contexte, en fait. Elle-même, elle aborde autant, je pense, son travail artistique du point de vue de l'artiste, mais aussi d'un point de vue qui est très, très personnel, très introspectif. Puis on le voyait, justement, tu parlais de l'écriture qu'il y a dans son travail. C'est pratiquement... une espèce de on est quasiment dans des extraits d'un journal journal intime, c'est pas tellement le bon terme, mais quelque chose de très, en tout cas d'une écriture qui est très personnelle, presque un exutoire, presque un défoulement par moment, ou des pensées un peu chimériques des fois, mais puis tout ça se mélange finalement avec un travail visuel qui en tout cas pour moi était très très très intéressant. Alors, il reste encore deux artistes qui vont participer à Pour toujours mardi, cette programmation de folliculture. Donc, Patrick Desmazeaux, à partir de mardi prochain, 17 novembre jusqu'au 30 novembre, et Allegria Gobeil, du 1er décembre au 14 décembre. Ben, merci beaucoup, Vincent Hinz, de nous avoir parlé de cette belle programmation. Et on va sûrement en réentendre parler dans les prochains jours. Merci beaucoup. CKRL.QC. Qui est cette femme mystérieuse au large chapeau? Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, nature, féminisme, politique. De poète à poète, Michel Plot écrit à Jean-Noël Pontbriand. Aussi, le puissant murmure de Valérie Forgue dans Vivre tout court. J'avais 13 ans, j'étais un monstre. Mais au fait, qui est cette mystérieuse femme en couverture du dernier numéro de Nuit Blanche? Pour le savoir, rendez-vous dans nuitblanche.com. Et tant qu'à faire... abonnez-vous! Du 1er au 15 novembre, l'événement Un soir pour l'art est de retour et vous promet musique, danse, poésie, chansons et arts visuels. Des performances quotidiennes livrées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Bravi Productions. J'ai reçu ton appel après virer. J'ai reçu ton appel après virer. Des prix de participation, des performances inoubliables, des œuvres uniques et un encan virtuel avec des produits d'artisanat locaux. Un soir pour l'art en l'honneur de la liberté d'expression dans le cadre de la Journée mondiale des écrivains emprisonnés. Je crois que les panneaux nous envoient un signe. J'en sais glissant. Un événement de Zita Bombardier et de Bravi Productions en partenariat avec le Centre québécois du PEN International et la librairie Pantoute. Cette année, la boîte à pain remet au goût du jour sa classique tartourie d'inspiration française et belge, déclinée en plusieurs saveurs dont le bleuet, pomme érable et la succulente choco-caramel. Laissez-vous séduire et succombez au charme de nos tartouries. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boiteapain.com. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1 Québec. Vous êtes de retour à l'aérospatiale, Myriam Leland au micro. Et pour ce segment de l'émission, j'ai avec moi en Zoom Laurence Gravel et Sylvia Pellissier pour parler du projet Les liaisons dangereuses sur la galerie web d'Alès de vos empires. Bonsoir les filles. Allô! Ben, je dis bonsoir parce que l'émission va être diffusée le soir, mais en fait, on est lundi midi. Donc, petite introduction pour les gens qui ne savent pas qui est Laurence Gravel, ce qu'est Alice de vos empires et ce que sont les expositions web. Donc, Laurence Gravel, c'est une artiste en art visuel multidisciplinaire qui est originaire de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Elle vit et travaille à Québec. Elle est titulaire d'un bac en arts visuels et médiatiques et termine une maîtrise en arts visuels à l'Université Laval pour ces deux diplômes-là. Elle est fascinée par le concept de beauté, par l'entremise d'une société d'élite. Laurence pratique et questionne la performance grâce au médium de la vidéo et de l'installation, qu'on peut d'ailleurs, ben pas la vidéo, mais c'est quelque chose qu'on voit justement la performance dans l'exposition Les liaisons dangereuses. Rapidement, petite introduction de Sylvia également, qui est historienne de l'art, cofondatrice, co-animatrice et directrice des communications au podcast Alès de vos empires, qui était anciennement une émission à la radio de Chiz, mais qui est maintenant un podcast depuis leur premier épisode officiel le 30 janvier 2020. Alès de vos empires.com se présente comme un site web informatif, mais aussi un blog et une galerie depuis le 4 septembre lors de la première exposition virtuelle indépendante d'Alès de vos empires, mais avant ça, il y en a eu une en collaboration avec la Galerie A. J'arrête tout de suite de parler parce que je voulais vous recevoir les filles pour qu'on parle du projet Les liaisons dangereuses, qui est l'exposition virtuelle sur la galerie d'Alest. Donc, Laurence, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est les liaisons dangereuses? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Les liaisons dangereuses, c'est un site web, une plateforme web, une exposition qui regroupe comme environ 4 tableaux où j'essaie, en tout cas, j'ai essayé d'apprivoiser le livre Les liaisons dangereuses, un livre classique de la littérature française que je connaissais pas du tout. Puis c'est vraiment un questionnement sur qu'est-ce qui se passe quand la première fois que j'ai pris ce livre-là dans mes mains jusqu'à, tu sais, essayer de le lire, essayer de, tu sais, tout ce qui est tactile avec le livre, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand que j'ai ce livre-là entre les mains. Puis 4 tableaux regroupant un peu 4 défis, 3 défis que je me suis donné, dont 1, lire le livre, 2, acheter le livre ou en acheter le plus possible, et 3e, entretenir une correspondance à la manière du livre, parce que ce livre-là, c'est un roman épistolaire, donc ce sont des personnages qui parlent à travers de multiples lettres, puis j'ai essayé de moi-même me mettre au défi d'avoir ce type de correspondance-là, d'une manière très ouverte, par exemple, pas avec toutes les fioritures, là, mais... Ouais. Moi, je me demandais justement, est-ce que tu utilises le Madame C... ou est-ce que tu utilises des vrais noms, parce que dans le roman, c'est ce qu'on retrouve. Ça m'a accroché un sourire. D'ailleurs, j'écoutais ce matin les segments audio qu'on peut retrouver dans l'exposition, justement. Donc, c'est toi qui lis le livre. Puis, dès le premier enregistrement, on peut entendre Laurence lire absolument tous les mots qui se trouvent dans le livre. Donc, on lit vraiment toutes les pages, même s'il y a des répétitions. Je crois que tu dois dire le titre au moins 10 fois avant de commencer à lire le livre. Puis tu disais justement que Les liaisons dangereuses, c'est le projet du moment où tu as eu le livre dans les mains et tout le cheminement jusqu'à ce que tu le lises et tout ça. À quel moment est-ce que tu as su que ça allait être un projet artistique puis que ça allait être une exposition? Je pense que dès que je l'ai acheté, je l'ai ouvert puis j'ai fait, il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre-là classique, parce que il a été fait, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup là, le personnage qui est répété souvent jusqu'à ce qu'il devienne un peu emblématique, puis on sait pas trop d'où il vient, mais il l'est. Puis je trouve que ce livre-là l'est, dans le sens où il y a eu des opéras, le théâtre, le cinéma, des reprises du livre, il y a eu tout. Puis après, ce qui reste, ben, ce sont les personnages, le livre classique. Fait que retourner à ça, je trouvais ça super intéressant. Puis si c'était pas le livre lui-même, ça allait être les personnages. Peu importe, mais j'ai ouvert le livre, puis la première page, c'était une notice où il disait que le livre était plat. Là, tu m'as lu, ça m'intéresse. On parlait justement avant de commencer l'enregistrement que j'avais eu un peu le même processus en croisant le livre dans une bibliothèque de livres à donner, puis que je m'étais dit « Ah, ça va être bon, c'est sulfureux, la lecture ». Finalement, après les premières pages, j'avais trouvé ça extrêmement plate, moi aussi. Mais c'est un peu un travail d'iconographie que tu fais justement d'élever ce livre. Ben, en fait, c'est déjà fait dans la culture populaire, tu l'as mentionné, d'élever les personnages, ce roman-là, à un niveau d'icône. Puis, est-ce que tu dirais que le fait de lire le livre pour vrai, entre parenthèses, donc de pas le consommer à travers le cinéma ou le théâtre et tout ça, est-ce que ça a un peu défait cette iconographie-là ou plutôt le contraire, justement, de te faire comprendre un peu tout l'engouement autour de cette œuvre-là? C'est assez spécial parce que j'avais vu le film puis j'avais pas tellement écouté l'histoire dans le sens où je m'intéressais aux acteurs et aux costumes et à la musique, puis je trouvais ça super spectaculaire, puis j'adorais ça. C'est un beau film. C'est ça, puis j'avais pas compris la profondeur de l'histoire, mais en le lisant, ben il y a pas de costume, on n'en parle pratiquement pas, il y a pas de musique, il y a rien de visuel, puis c'est vraiment l'histoire entre les personnages, puis l'espèce de petit côté malsain du livre qu'on retrouve moins. Oui, vraiment. Puis ça, c'est hyper présent aussi, ce que les personnages pensent d'eux-mêmes, souvent dans... Je vais comparer avec le film, mais on le ressent, les personnages parlent un peu, mais c'est tellement profond. Puis, il y a tout le côté comme textuel du livre, justement, la censure des personnages. Il y a quelques personnages qui sont présents, je dirais 6 personnages ou 7. Puis, si on parle d'autres personnages, ils sont censurés. Je trouvais ça super intéressant. Je me demande, c'est qui, pourquoi ils n'en parlent pas. T'sais. Fait que... C'est pas grave. Fait, au final, dans le fond, ça a un peu approfondi ta connaissance de cette œuvre-là, puis ta compréhension aussi de tout ce qui l'entoure. Ouais, mais pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Puis approfondir, sûrement, parce que c'est voir cette époque-là, mais d'une manière que j'avais pas, que j'avais jamais essayé. Là, c'est vraiment se plonger dans quelque chose de concret et d'historique. C'est pas souvent, ben, je vais regarder quelque chose qui est édulcoré d'une autre affaire jusqu'à ouais, prendre une petite partie, là. C'est quelque chose même qui serait faux, là. Parce que c'est déjà une époque qui t'intéresse beaucoup dans ta pratique, ben, dans ta vie en général, mais dans ta pratique, c'est déjà une époque que t'explores énormément, justement, au niveau de l'esthétique, des costumes, l'esthétique baroque, c'est quelque chose qui t'habite beaucoup. Puis là, de ce que tu dis, ça clashait un peu avec le... Ben, pas clashait, mais c'est moins l'esthétique qui était abordée dans le livre écrit. C'est important parce que j'ai essayé de faire exactement le contraire. Pas de costume, pas de personnage. Puis s'il y a des personnages, c'est des personnages qui existent. Comme, ben, moi, mais on voit pas mon visage. Il y a Lydia Langlois aussi, la personne avec qui j'ai fait la correspondante, qui est une historienne de l'art. Puis sinon, ben, je cite aussi beaucoup de gens dans cette correspondance-là, mais il y a pas de personnages. C'est ça. D'habitude, c'est juste des personnages. Puis je trouvais ça intéressant de faire exactement le contraire. Je me remets beaucoup en question aussi ces temps-ci, là, probablement en cause de la situation actuelle. Mondiale actuelle et tout, là. D'accord. Puis cette idée-là, justement, d'y aller un peu à l'opposé de ce que tu fais habituellement avec les costumes, les personnages, est-ce que ça t'est venu en lisant le livre ou encore une fois, c'est vraiment quand tu as pris le livre, tu avais déjà un peu cette idée-là en tête? Je pense que c'est en prenant le livre dans mes mains, au lieu de partir de la grande histoire, là, de prendre ce personnage-là qui a tout à dire, puis de le rendre un peu moins intéressant, là, de l'extirper de son contexte, là, c'est le contraire, c'est de partir d'un simple objet puis de voir qu'est-ce que je peux en tirer de cet objet-là. Je trouve que c'est tellement riche. Je veux dire, c'est des écritures sur des pages, mais il y a les pages, il y a toute l'intertextualité, il y a la couverture, il y a le graphisme qui est différent pour tout. Il y a des livres qui n'ont pas d'image, il y en a qui en ont d'autres. Fait que ça me faisait poser toutes sortes de questions sur l'objet, en même temps le récit. Fait que le site web, l'exposition en ligne, questionne aussi qu'est-ce qui m'intéresse dans cet objet-là, c'est le livre ou l'histoire. Ben, j'ai pas encore décidé, mais je pense que c'est les deux en même temps. Ben, dans le fond, l'exposition, c'est un peu ta réflexion par rapport à ça, sans nécessairement offrir de réponse finie. Puis, quand tu as pris le livre dans tes mains, que tu as décidé que ça allait être un projet, que c'était quelque chose qui t'allumait, est-ce que tu savais déjà que ce serait une exposition web ou tu t'es dit « je veux faire quelque chose » puis on verra qu'est-ce que ça va donner » puis en cours de route, c'est devenu une exposition web? Dans le processus, j'ai pris le livre puis je me suis dit au pire, je vais juste lire la première page là, parce que ça m'intéresse. Puis le livre est vraiment pas cher parce qu'il n'y a comme plus de droits d'auteur parce qu'il est trop vieux. Fait que c'est vraiment pas cher à payer pour une idée facile. Là. Mais ouais, mais j'avais déjà cette idée-là dans la tête. Puis ensuite, à l'Est, me comme approcher, puis c'était plus facile de leur proposer cette idée-là. J'avais déjà un commencement très, très court. Là. Je voulais juste lire le livre. Mais après, ça s'est développé parce que lire un livre et une plateforme web, il faut faire un lien quand même. Là. Comment je transpose une lecture sur une page web? Oui, mais en même temps, personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'essayais de m'imaginer justement dans un contexte de galerie ou de musée ou même dans un contexte de performance dans un lieu public. Puis, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que ça ferait à ton projet, à ton œuvre, justement. Puis, je pense que le format web est comme parfait pour ça parce qu'on peut prendre le temps, justement, de l'écouter, de mettre ses écouteurs, de s'isoler. Alors que, par exemple, quand on est dans un vernissage ou à l'extérieur, on va peut-être pas rester comme 5 heures debout à écouter quelqu'un lire un livre qui a trouvé place. C'est drôle parce que moi, je pense exactement le contraire. Dans le sens où on est dans un vernissage, souvent, il y a le regard des autres, puis on se dit « Bon, ben il faut que je l'écoute assez longtemps pour que les gens pensent que je l'écoute vrai, même si c'est pas intéressant. » Puis, quand on est dans son salon puis qu'on l'écoute, on dit « Personne va le savoir que j'ai écouté 10 secondes, tu sais. » Fait que c'est ça. Vrai. Mais en même temps, il y a aussi, avec le même exercice, il n'y a pas justement cette pression-là du regard des autres ou de se dépêcher parce que quelqu'un met pas trop pour pas avoir l'air de trouver ça plate non plus. Et je trouvais ça quand même intéressant justement d'avoir accès à ça en ligne. Puis il y a tout un aspect collection aussi à ton œuvre parce que c'est pas juste une performance, ben c'est déjà beaucoup, mais c'est pas seulement la performance de toi qui lis le roman et de ton échange avec Lydia Langlois, mais t'as aussi collectionné tout ce que tu pouvais qui entoure cette icône-là qui est les liaisons dangereuses, que ce soit par les livres, le film, la merch en bon français. Est-ce que c'est venu, dans le fond, de ta lecture du livre, ça aussi, ou c'était déjà quelque chose qui te passionnait un petit peu, étant donné que tu avais déjà vu le film? Ben, en fait, ça vient un peu de la lecture, où en fait, le fait que je suis allée dans une librairie, je l'ai vu, puis je me demandais pourquoi je lisais pas cette édition-là, mais l'autre, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait de différent, puis je le trouvais tellement beau, ce livre-là, je l'ai pas acheté. Mais j'y ai pensé pendant 2 semaines, puis j'ai fait « Non, faut tout que je les achète. » En personne, pas via Internet. Là. Je voulais que ça soit comme... Je voulais avoir une relation physique. Mais prendre l'autobus, aller chercher le livre, puis ouais. Pas l'avoir parce qu'il l'a pas tout le temps. Puis c'était vraiment, je voulais des éditions différentes. Parce qu'à tout le temps, acheter la même édition, je pense que j'en aurais 400, là. Oui. Mais ouais, c'était vraiment... Puis là, c'est un drôle de processus aussi de déterminer qu'est-ce qui fait partie des liaisons dangereuses puis qu'est-ce qui l'est pas, parce que j'ai vu des biographies de l'auteur, j'étais comme non, ça fait pas partie du livre. Okay. Une comédie musicale d'un remake d'un truc super éloigné, mais l'histoire est encore là, fait que je l'ai acheté. Fait que c'est un drôle de processus aussi d'arriver dans une librairie, de demander as-tu les liaisons dangereuses? Oui. Ah non, pas cette édition là. Non, pas cette. C'est tellement drôle là d'acheter un livre dans cette manière de penser-là. J'imagine. J'ai comme toutes les éditions, ceux-là, je les ai déjà. Puis... Fait que t'as vraiment monté ta propre collection, ta propre exposition des liaisons dangereuses en faisant des choix vraiment commissarial, dans le fond. Commissarial, mais sans choix, parce que, bon... Dans le sens où je voulais acheter les liaisons dangereuses, mais il y en a des éditions que je trouve un peu laides, là. Et souvent, c'est des éditions de... Ce qu'il y a le plus souvent dans les librairies, c'est l'édition d'études. Oui. Où il y a quelques passages livres, mais plus souvent, c'est des auteurs qui commentent avec d'autres œuvres. Ça, je trouvais ça quand même... C'est intéressant, mais c'est pas la même chose, là. Mais ouais, je faisais pas de distinction. Puis l'amour des livres vient après. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. En effet, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Sévia, tantôt, Laurence mentionnait que c'est à l'Est qui l'a approché, justement. Aviez-vous connaissance de son projet à ce moment-là ou vous avez juste dit « Laurence, fais-nous quelque chose » Pas du tout. En fait, pour bien expliquer la direction artistique de la Galerie Web, à l'Est souhaite donner une plateforme aux artistes de la ville de Québec ou des alentours qui n'ont pas nécessairement une pratique web. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher les gens qui connaissent ça. Au contraire, c'est d'aller chercher des artistes un peu comme Laurence qui a une pratique qui va être très multidisciplinaire, qui va utiliser un peu, j'aime pas cette expression-là, mais les moyens du bord, c'est-à-dire qui va s'intéresser à sa technique, à un médium et va le peaufiner, plutôt que d'être seulement dans un seul de ces médiums-là, ben, ils vont en explorer plusieurs lorsqu'ils scient le projet. Dans le cas de Laurence, en fait, nous, on a approché Laurence parce qu'on aime son travail, on la connaît également et on était, en fait, lorsqu'on a voulu travailler avec elle, on l'avait abordée pour un autre projet. Ceci dit, c'était pas possible, mais Laurence nous a dit « Écoutez, je travaille sur un truc, j'ai comme un projet en tête depuis un moment, j'aimerais ça vous en parler. » Puis là, ben, on s'est comme excité parce que ça nous permettait de vraiment lui donner tous les outils dont elle avait besoin pour travailler et de la laisser faire un peu une carte blanche, finalement. Donc, nous, on s'est occupé vraiment de s'assurer qu'elle ait une correspondance, qu'il ne manque rien, qu'il y ait de la communication qui soit autour du projet et qu'il y ait une diffusion réelle de ce projet-là ainsi qu'une médiation. C'est quand même un beau processus. Puis à ce moment-là, est-ce que vous saviez que c'était les liaisons dangereuses ou vous saviez seulement qu'il y avait un besoin d'une correspondante? Puis oui, dès le départ, elle nous l'a dit. Là, elle a dit, ben, cette idée-là que j'ai, ça serait autour des liaisons dangereuses. J'ai commencé à faire des lectures et c'est très plate. Donc, on partait de l'idée que c'était plate comme sujet. Et là, nous, on trippait. Là, on ne savait pas, par contre, quelle forme ça allait prendre. C'est-à-dire que toute l'idée de la collection est arrivée pendant le processus. La correspondance avec Lydia est arrivée pendant le processus. Donc, ça a vraiment été un cheminement qu'on a fait ensemble afin de s'assurer que son œuvre soit la plus complète possible et qu'elle lui plaise également. Bien, merci beaucoup, les filles. C'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce projet-là. Avec la pandémie, on découvre de plus en plus justement le format de l'exposition web. Puis comme je le disais tantôt, je trouve que ce projet-là se prête parfaitement à ça. Puis c'est justement quelque chose auquel on peut retourner autant de fois qu'on le veut jusqu'au 4 décembre. Vous pouvez aller sur le site de Laurence directement, donc laurencegravel.com tout d'un bout, ou à l'estdevosempires.com tout d'un bout également, dans la section galerie. Merci encore une fois. Donc, on invite les gens à se rendre sur ces sites web-là pour visiter l'exposition. On se laisse pour une pause audio et au retour, c'est déjà l'agenda de la semaine. Spiders, spiders, they will pray. cause money does all he will find. The holy pleasures of my mind. You look good tonight, good tonight. You look good tonight, good tonight. You look good tonight, good tonight. You look good tonight, good tonight. So shine bright, shine on me, baby. Shine bright, shine on me. Alors, on termine l'émission de l'aérospatiale avec notre traditionnel agenda de la semaine. Un agenda, un peu chenu, mais on va l'annoncer avec joie. Donc, il y a ce vendredi le collectif ambitieux qui débute une résidence à Regard sur la rive sud, une résidence pour un défilé ambitieux. Donc, le collectif composé d'Anne-Christine Guy et Kaël Mercader se lance vraisemblablement dans la création de mode. Et la résidence se tient dans le nouvel espace de Regard qui s'appelle L'Autre Regard et qui est une véranda. Donc, on va pouvoir aller les espionner. Oh. Et il y a aussi des activités sur les réseaux sociaux qui sont prévues, là, des diffusions directes. Et donc, on va pouvoir les suivre dans leur création. Et comme on disait en début d'émission, c'est la dernière semaine pour aller voir la très, très belle exposition « Vase communicant » dont Delphine Aguesbar nous a parlé. Donc, l'exposition d'Yvan Binette qui est présentée à la galerie Michel Guimond. On se dépêche d'y aller d'ici la fin de la journée dimanche. Et c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.crl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec parce qu'on y garde un calendrier le plus à jour possible. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à Vincent Hinz, Laurence Gravel, Sylvia Pédicier, ainsi que notre chroniqueuse de la semaine, Delphine Aguesbar. Et un salut spécial, comme toujours, on s'ennuie de notre Rembrandt de la mise en onde, Jacques Gignac. On te fait un petit salut et on se laisse sur une dernière pause musicale de l'album Dreamweaver d'Anacnid et on se dit à la semaine prochaine. Watch me rise, reach the sky. I am the light at night. Your hair can reach so high. Watch me rise, reach the sky. I am the light at night. We'll be right back. stop and stare. But you gotta get back, you gotta get that. Cause the longer that it grows, the closer you are to your soul. Let it grow, let it grow. Let it grow, your soul, your soul, your soul. Let it grow, let it grow. Let it grow, your soul, your soul, your soul. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my breaks. Gotta get up, let's do this, babe. Stop, let's dance. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my breaks. Gotta get up, let's do this, babe. Gotta get up and start my day. Gotta get up and make my prayers. Gotta get up, let's do this, babe. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL.QC.CA. Durant cette période trouble, le théâtre Périscope vous propose des moments de douceur avec le retour du projet Au creux de l'oreille. Creux de l'oreille. À raison d'appels téléphoniques d'une vingtaine de minutes, une comédienne ou un comédien professionnel vous fera la lecture d'un texte lumineux. Une expérience réconfortante à vivre seul, en couple et en famille. Les appels ont lieu jusqu'au 14 novembre à travers toute la province. Les inscriptions se terminent le 8 novembre prochain. Plus de détails sur le site internet du Théâtre Périscope. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Découvrez et redécouvrez des musiques de styles variés. Jazz, funk, blues et métal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. À découvrir sur la fabrique culturelle. On peut faire ci, on peut faire ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça, j'aime ça quand tu fais ça comme ça. J'aime ça quand tu fais ça comme ça. Une session musicale de Carou Dupont qui chante One Two et Just Chilling. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv.